بسم الله الرحمن الرحيم. راجعت أسألك. طيب الشيخ العثيمين متى ولد ومتى توفي؟ الشيخ العثيمين اللي كان اللي كنت اسكيلي مع il est né en 1329 et il est mort en 1421. Il a vécu 90 ans, Allah Mabarak. C'est 2001. Non. On avait dit qu'il avait appris le Coran avant l'âge de 14 ans, que son principal cheikh, c'était cheikh Abdurrahman al-Sa'adi. Son deuxième principal cheikh, c'était cheikh Ibn Baz, qu'il étudie dans le Ma'had, qui était à Riyad. Et parmi ses profs, il y avait Cheikh Mohamed El-Amin Shankaiti, Wairuhu. Et il y a beaucoup de livres aussi qui l'ont été écrits. Dans la Muqaddima, de quoi l'auteur a-t-il été surpris? De quoi il s'étonne? أيوة يعني تتعجب لأن هذه الأصول جلية واضحة في القرآن ومع هذا غفل عنها كثير من الناس كثير أصول sont claires dans le Coran. Allah les a bien expliqué, les a bien clarifié, malgré cela peu les ont compris, une infime minorité des gens l'ont compris. Et là Cheikh Fazil a fait un tambi par rapport à ça, c'est que justement ça démontre que le Coran, beaucoup de gens ne lui donnent pas le plus important qu'il doit avoir. Tu verras des gens être extrêmement minutieux sur le tajwid, l'alphaz, makharij al-huruf, ou faire du roqi avec le Coran. Et pour eux, le reste, c'est ibarahan baraka. On écoute le Coran pour baraka. Ils ne savent pas que ce sont des ordres, des directives, des interdictions, et qu'il y a un châtiment de récompense à en tirer. Que Allah subhanahu wa ta'ala descend le Coran pour qu'on l'applique. Les gens vont dire que le Coran, c'est juste pour lire. Découvrir la maison avec le Mushaf, écouter le Qari Fulani, parce qu'il a une belle voix, la Salane. Mais ce qu'il y a dedans comme ordre, ou comme enseignement, comme éducation, il ne faut pas attention. Malheureusement. C'est devenu une chose superficielle. A Gaza. طيب عندك ما معنى ما هو الاسم الأعظم لله plus grand nom الله هذا صحيح ما معنى الرحمن ذو الرحمة الواسعة نعم celui qui est large vaste dans les écoles ما معنى الرحيم يعني ما الذي أخذناه هو أنه ذو الرحمة الواصلة تجي على رحمة كونتينيو بأمانوت إذا قلنا بديد اجتمع كلمات ما معنى الرحيم الذي يوصل رحمة إلى من شاء celui qui attribue sa miséricorde à qui il veut. Et on avait dit également que Allah, Lafz Jalala et Ar-Rahman sont des noms que nul ne peut être nommé avec ce n'est Allah. Par contre, Ar-Rahim, quand il y a la Ghalilla. Qui est un exemple? Ismi Ar-Rahim, li Ghalilla. Man Wusifa bi Ar-Rahim. Qui a été décrit par Ar-Rahim, qui était nommé Ar-Rahim, en dehors d'Allah. Mais sans elle. Sans Alif Lam. Qui? النبي صلى الله عليه وسلم وفيت قال النبي قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر آية قال وبالمؤمنين رؤوف رحيم رؤوف رحيم ما من رؤوف من اسم الله هو نوت لك على النبي صلى الله عليه وسلم Donc là, on va commencer, inshallah, on va prendre الأصل الأول من هذا الكتاب. فقال المؤلف محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمة الله تعالى عليه. الأصل الأول هو إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلاد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان والإخلاص في سورة تنقص الصالحين وتكسير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين وأتباعهم. Le premier fondement de ces six fondements, qui est-il ? Al-ikhlas en religion, la sincérité en religion, pour Allah seul, sans associer, et déclarer également, démontrer son opposé qui est le shirk, billah, l'association. Et le fait que la plupart du Coran est venu pour démontrer justement ce fondement, par une parole que même serait comprise par même l'esprit le plus obtus des gens de la masse. Et après, une fois que la communauté, ou plutôt que la plupart de la communauté est devenue ce qu'elle est devenue, alors Shaitan leur a fait apparaître l'ikhlas comme étant, c'est-à-dire le vrai ikhlas, comme étant une réduction du droit des gens pieux et un manquement de leurs droits, de leur rang. Il leur a fait apparaître le shirk, le vrai shirk, billah, comme étant l'amour des gens pieux et de leurs suiveurs. Comme cela va être expliqué, Inch'Allah, dans le char. Savoir déjà, Walin l'Ikhlas, c'est une condition d'acceptation de l'œuvre. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna mal amal bin niya. Quand le Ta'ala, Walakada wuhina ilayka, wa ila lazim min kabulika, la nishrakta la habatanna amaluka, wa la takunanna min khasirin. Que nous t'avons révélé à toi, ainsi qu'à ceux d'avant, que si jamais tu avais associé, tes œuvres auraient été annulées et tu aurais été du nombre des perdants. Et comme on l'a expliqué dans le Corée d'Arba'a, ce verset, à la base, Allah subhanahu wa ta'ala le tourne vers son prophète, qui lui, il est impossible qu'il associe. Donc c'est un enseignement pour la communauté entière. Que celui qui associe à Allah, son œuvre sera annulée. Et dans le hadith, Innamal amal bin niya, les actes ne valent que par l'intention. Niya, le fait de désigner une action précise, comme différencier par exemple entre un acte obligatoire et un acte surrogatoire. Par exemple, quand tu fais salat al-dhuhr, tu ne veux pas niya de faire un doha, sinon ça va être annulé. Même si tu fais 4 rakat comme il faut que l'on vaut, si ta niya n'est pas conforme à la doha que tu vas faire, l'acte ne sera pas accepté. Tu mets la niya du asar pour le maghreb, ça ne sera pas accepté. Donc c'est différencié les adorations les unes d'entre elles. D'obligation à obligation, d'obligation à nafila, surrogatoire, de surrogatoire à surrogatoire. Les surrogatoires, des fois, elles sont khasses. Mathalan. Et l'autre sens, niya, c'est l'ikhlas, justement. Que ton adoration soit pour Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Que tu vises par là l'agrément d'Allah et pas autre que lui. Faqala. Qawluhu ikhlasuddin. لله تعالى وحده لا شريك له. Là, Cheikh Othaymine il commente en disant Al-Ikhlas lillah ma'nahu an yaqsud al-mar'u bi'ibadatihi at-taqarrub ila Allah ta'ala wa tawassul ila ad-dar karamatihi. Bi'an yakuna al-'abdu mukhlishan lillah ta'ala fi qasdihi, mukhlishan lillah ta'ala fi mahabbatihi, mukhlishan lillah ta'ala fi ta'dhimihi, mukhlishan lillah ta'ala fi zahiri wa batini. Wa la yabtaghi bi'ibadatihi ila wajh Allah ta'ala والوصول إلى دار كرامته كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تعالى وأنيبوا لربكم واسلموا له. وقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلمه. Donc il dit que le sens de l'ikhlas pour Allah, que veut dire que la personne cherche par son adoration le rapprochement vers Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de se lier à lui et de parvenir à la demeure de son de sa gratification, c'est-à-dire l'au-delà, le Jannah. Que le serviteur soit sincère envers Allah dans son intention, également dans son amour, également dans sa glorification d'Allah, également en apparent et en intérieur, extérieur ou intérieur, qu'il soit sincère et qu'il ne recherche pas son adoration que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir sa récompense, comme Allah le dit dans le sens, dit ma salat et mon sacrifice et ma vie et ma mort sont pour Allah seul, Seigneur des mondes, nul associé à lui, j'ai été ordonné de cela, tu es le premier des muslimines, des soumis. Et la parole d'Allah dans le sens où il dit et revenez votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Et la parole d'Allah dans le sens où il dit et votre divinité n'est qu'une seule, nulle divinité digne d'être adorée ce n'est que lui, il est le Rahman al-Rahim. Et sa parole dans le sens où il dit votre divinité n'est qu'une, alors soumettez-vous à lui. Aslimoula, aya. Soumettez-vous à lui. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les messagers pour ce message. Comme a dit Ta'ala, wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Dans le sens où Allah dit, et nous n'avons pas envoyé de messagers avant toi, si ce n'est pour leur révéler nulle divinité digne d'être adorée, si ce n'est moi. Alors adorez-moi. Et Allah a éclairé cela dans son livre. Après, il commente la parole de l'auteur lorsqu'il dit d'une parole claire que même l'esprit le plus obtus pourrait comprendre parmi les gens de la masse. Masaïl dans le Coran qui sont durs à comprendre. Certes, que seuls ne peuvent être comprises, il y en a en premier lieu, en premier abord, que par les savants. Et après eux, viennent expliquer aux gens. Et d'autres masaïl qui sont liés au Tawhid et à l'Ikhlas, elles sont claires pour tout le monde. Car c'est une chose que Allah nous a rendue obligatoire. Donc comment va notre type nous obliger une chose qu'on ne va pas comprendre? Ça n'a pas été juste. Normalement, ça n'a pas été juste. Donc bien évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala a fait comprendre clairement ses serviteurs dans son livre. Et son messager l'a fait comprendre également. D'accord? Car il est venu pour faire réaliser le tawhid et la sincérité. Et pour justement le débarrasser de tawhid de toute défaillance et de boucher tout chemin qui pourra amener la salaine à l'entacher ou à l'agrandir, c'est-à-dire agrandir le shirk. Toute voie qui y mène, en fait, la salaine est venue pour les boucher. Il n'y a pas de voie qui ont été laissées, aucune brèche qui amène au shirk, sans qu'elle ait été déclarée dans le Coran et dans la Sunna. À tel point qu'un homme est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Masha Allah wa ashit. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة الله تعالى بحرف يقتضي التوبة بينهما وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل. Donc toute chose que les gens pourraient se tromper à son époque qui amène au shirk, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam les a corrigés et l'aura éclairci. Comme cet homme qui est venu et qui a dit comme Allah veut et comme tu le veux toi aussi. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aurais-tu fait de moi un égal à Allah, mais dis plutôt comme Allah le veut seul. Comme Allah le veut seul. Donc le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé pour cette parole-là. Car cet homme a égalisé entre la volonté d'Allah et celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela revient à prendre un égal avec Allah. Parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam également pour fermer les portes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interdit le fait de jurer pour en tout cas Allah. Et que cela a été considéré comme étant du shirk. Qui peut être akbar ou asra. Majeur ou mineur, cela revient à l'attention de celui qui jure. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man halifa bi ghayrillahi faqad kafar ou ashrak. Ou le hadith akhrajahu Abu Dawud et Tirmidhi. Le hadith Ibn Omar. Le hadith est authentifié par l'Albani. Qu'il a dit celui qui jure par autre que Allah a certes mécru ou a associé. قال وذلك لنا حلف بغير الله تعظيم للمخلوف بما لا يستحقه الا الله عز وجل. Le fait de jouer par Allah, cela revient à glorifier et à glorifier la chose par laquelle tu jures. Une glorification que seule, qui ne revient qu'à Allah seul. Donc cela ouvre une porte au shirk. Et comme on l'a expliqué, il peut être majeur ou mineur. Il peut être majeur ou mineur. Hada bihasb at-ta'zim lil makhluf bih. وكذلك حين قدم عليه وفد فقالوا يا رسول الله يا خيرنا يا خيرنا يا طيب يا خيلنا يا ابن خيلنا يا سيدنا يا ابن سيدنا قال يا ايها الناس قولوا بقولكم فلستحينكم الشيطان انا محمد عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل. Donc là, il pas aimant quand une délégation se rend dit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils dirent au messager d'Allah, ô toi, c'est-à-dire le meilleur entre nous et le fils du meilleur entre nous, ô toi notre maître et le fils de notre maître. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a repris en disant, ô vous les gens, attention à vos paroles. Ne laissez pas Shaitan vous charmer. Dans le sens, dit je suis Mohammed, serviteur d'Allah et son messager. Je n'aime pas que vous m'éleviez plus que ce que Allah m'a accordé comme rang. Adam. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé la porte avec sa propre personne, qui est la meilleure des créatures, qu'en est-il de moindre que lui? Comme l'a dit l'auteur, que pour eux, aujourd'hui, les gens, l'ikhlas, pour eux, l'ikhlas, c'est invoquer les gens pieux. Les alliés comme ils prétendent, les rapprocher. Et pour eux, le shirk, le vrai shirk, c'est ça. En fait, le vrai shirk pour eux, c'est le fait d'adorer Allah seul. Hada, c'est ça que le mu'alif il a voulu faire comprendre. Que pour eux, lorsque tu es sincère, tu n'invoques pas les pieux, tu as réduit leur rang. Tu leur as pas donné le statut qu'ils méritent, malheureusement. Pour eux, pour adorer Allah, tu es obligé de passer par un intermédiaire. Et si tu ne le fais pas pour eux, tu les as offensés dans leurs droits. Le wali fulani, tu n'as pas rendu son droit. Tu étais irrespectueux envers lui. Donc là, ils voient pour eux cela comme étant, pour eux, c'est pas ça l'ikhlas. Pour l'ikhlas, c'est passer par ce wali pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kam bayyana Allah ta'ala l'ikhlas wa azharahu wa bayyan diddahu wa huwa shirku. Faqala ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والآيات في ذلك كثيرة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم من حديث جابر. Donc il dit comme Allah سبحانه وتعالى justement a clarifié ce cet ikhlas il a fait apparaître son contraire dans son livre qui est le shirk. Allah dit dans le sens, certes Allah ne pardonne pas pour nécessiter quoi que ce soit, mais pardonne en donnant cela à qui il veut. Il dit dans le sens, et adorer Allah et ne le associer rien. Et il dit dans le sens, nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour dire adorer Allah et le au niveau du ta'arut. Et plein de versets sont venus dans ce sens là Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui rencontre Allah en ne l'associant rien du tout, rentrera au paradis. Celui qui le rencontre en lui associant quoi que ce soit, entrera au feu. Apporté par Muslim selon Jabir. Donc ces versets, ils sont clairs ou sont pas clairs? Ils sont clairs. Même l'homme qui aurait l'esprit le plus lent, en les lisant, comprend. Tu n'associes rien à Allah. Rien du tout. Donc ça veut dire quoi? Rien. Ni le wali, ni la pierre, ni la lune, ni rien du tout. Rien du tout. Mutlaqan. Et ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rien du tout. Thumma qala ash-shirk ala nu'ayn. Le shirk est de deux catégories. En premier lieu, ash-shirkul akbar. Le shirk majeur. Majeur. Connu par le grand, par les gens. Majeur, c'est mieux. Et celui-là, t'exclut de l'islam. Et de toi, un mécréant, un kafir, un mushrik. تعريفه هو كل شرك أطلقه الشارع وَهُوَ مُنَافٍ لِلْتَوْحِيدِ مُنَافَةً مُتْلَقَةً qu'il est toute association qui aurait été déterminée ou définie par la législation et qui s'oppose dans l'absolu au tawhid, dans l'absolu, pas partiellement mais complètement tawhid, comme le fait de tourner une adoration pour autre que Allah, faire la salat pour autre que Allah, ou dégorger pour autre que Allah, ou de faire un vœu pour autre que Allah, ou d'invoquer autre que Allah dans une chose que seul Allah est capable d'accomplir, comme le fait par exemple d'invoquer un mort ou un absent dans ce que seul Allah peut accomplir. Donc les catégories de shirk ont été définies par les ulama. En plein livre on les trouve, alhamdoulilah, comme au sous salafa, on en a pris, comme Arba, on en a pris, dans ce livre on en prend, dans d'autres livres on en prendra. Plein de kutub. Les ulama, ils ont été là-dessus très stricts. Parce que c'est la porte la plus importante. Si le shirk rentre dans l'œuvre, il l'annule. Il l'annule. Anou Asani, al-shirk al-asghar. Le shirk mineur. L'association mineure. وهو كل عمل قول او فعل قولي او فعلي اطلقه عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافه مطلقه. Donc le shirk asghar mineur, c'est toute œuvre verbale ou gestuelle déterminée par la législation et décrite comme étant du shirk, cependant elle ne s'oppose pas au tawhid de façon totale, mais de façon partielle. Comme par exemple, le fait de jurer pour autre que Allah. Celui qui jure pour autre que Allah, sans avoir pour croyance que la chose pour laquelle il jure est plus haute que Allah, aura fait du shirk asghar. Également, riya. Riya. L'ostentation, également appelée la fausse piété. Parce que tu fais apparaître une chose qui n'est pas vraie. Et le riya, قال وخطير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. فقال الرياء. أخرجه أحمد من حديث محمود بن لبيد. Qu'il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم, ce que j'ai plus peur pour vous, la chose qui mettrait le plus pour vous, c'est le shirk al-asghar, shirk mineur. Et il dit, quel est-il? Il dit, l'ostentation. Wa qad yasil al-riya ila shirk al-akbar. Et cette ostentation peut arriver au shirk majeur. Majeur. Hada bihasbi niyat al-abid. Ça dépend de l'intention. Wa qad ibn Qayyim, mathal ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, les shirk al-asghar biyasir al-riya. Wa hadha yadullu ala anna kathir al-riya qad yasiru li shirk al-akbar. Que Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il a comparé le shirk al-asghar comme étant une forme de riya, de tentation. Donc cela démontre que beaucoup de riya amène au majeur, au akbar. Et certains ulama ont même pris le verset d'Allah où il dit إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْلَكَ بِهِ قَالُوا يَشْمَلْ كُولَ شِرْكٍ وَلَوْ كَنَ أَسْخَرْ. Que ce verset-là, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, ils ont dit que cela englobe le shirk asghar ou akbar. Pour eux, toute forme de shirk amène à l'annulation du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Il ne sera pas pardonné. Il y en a, ils ont dit que le Akbar Asghar, c'est le même jugement. Il y a un khilaf là-dessus, mais le Coran dit c'est qu'il y a Asghar, tahta al-Mashi'a, ou al-Akbar, la yaghfar. L'imad mata alayhi, celui qui meurt sans avoir fait tauba, on parle. Donc là, quoi qu'il en soit, majeur ou mineur, le shirk, il faut faire attention, il n'est pas tombé dedans. Qala ta'ala, innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu an-nar, wa ma li zalimin min ansar. فإذا حرمت الجنة على المشرك لازم أن يكون خالدا في النار أبدا فالمشرك بالله تعالى قد خسر الآخرة لا ريبة لا ريبة لأنه في النار خالدا وخسر الدنيا لأنه قامت عليه الحجة وجاءه النذير ولكنه خسر لم يستفيد من الدنيا شيئا. قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فخسر نفسه لأنه لم يستفد منها شيئا وأوردها النار وبئس الورد والمورود. وخسر أهله لأنهم إذا كانوا مؤمنين فهم في الجنة فلا يتمتع بهم, وإن كانوا في النار فكذلك, لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها. وقال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم Allah lui aura rendu interdit le Jannah et son refuge sera le feu, et pas de secoureur pour les injustes. Donc si jamais le Jannah a été interdit aux mouchriks, cela implique que le feu lui sera son abri éternellement. Si tu n'as pas droit au Jannah, tu vas aller où? Il n'y a pas de zone intermédiaire, comme le disait Mu'tazila, il n'y a rien. C'est ou le feu ou le Jannah. Si tu n'as pas le Jannah, c'est le feu que tu auras. Donc le mouchrik billah a perdu l'au-delà sans aucun doute, car il est au feu éternellement. Il aura perdu la dunya également. Pourquoi? Car l'argument lui aurait été établi, il aura eu la preuve, l'avertisseur lui est venu. Cependant, il n'aura profité rien de la dunya, rien du tout. Car la dunya a été mise là pour quoi? Pour œuvrer. Elle a été mise là pour œuvrer. Dans le sens, Allah il dit que certes, les perdants sont ceux qui auront perdu leur propre personne ainsi que leur famille le jour de la résurrection. Et cela est la perte vraiment évidente. Donc il a perdu sa propre personne. Comment? Il s'est perdu lui-même. Il n'aura profité en rien de la dunya, par les œuvres. Il sera exposé au feu pour y finir. Et quelle mauvaise destination. Il aura perdu sa famille. Pourquoi? Car si jamais sa famille aurait été des croyants, eux seront au paradis et lui au feu, donc il ne pourra pas profiter d'eux. Si jamais sa famille était des mécréants comme lui, alors Yom Al-Qiyama, ils vont tous se désavouer les uns des autres et se dénoncer et se maudire. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra au feu sans qu'il maudisse l'autre. Il n'y a pas une communauté qui va venir au feu sans qu'elle nous maudisse sa sœur. Wa alam anna ash-shirk khafiyun jiddan wa qad khafahu Khalilur Rahman wa Imam al-Hunafa kama haka Allah anhu wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam wa ta'ammal qawluhu wajnubni لم يقل امنعني لان معنى اجنبني اي اجعلني في جانب وعباده الاصنام في جانب, وهذا ابلغ من امنعني, لانه اذا كان في جانب وهي في جانب كان ابعد. وكيدي لو استمر الشرك est une chose qui peut être cachée, vraiment cachée, tu ne la vois pas. C'est pour cela que le Khalil, من خليل, خليل الرحمن وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام. أراد القرآن il a dit quoi dans le sens où il dit éloigne-moi, moi et mes enfants, d'adorer les idoles. Donc regarde bien, il a dit éloigne-moi, il n'a pas dit empêche-moi. Pourquoi? Car le fait de dire éloigne-moi, c'est-à-dire mets-moi loin d'elle. Car on peut t'empêcher une chose alors qu'elle est à côté de toi. Mais si on te dit éloigne-moi d'une chose, c'est vraiment, ça veut dire empêche-moi, et vraiment de façon, voilà, à sainte. Ça rend la chose inaccessible. La chose, tu n'as pas accès. C'est comme la parole d'Allah où il dit Wala takrabu zina. N'approchez pas de la fornication. Il n'a pas dit la taznou. Parce qu'à la base, zina, c'est interdit. Mais pour ne pas tomber dedans, il y a des causes qui amènent à tomber dans le zina. C'est pour ça qu'Allah l'a dit dans le sens, n'approchez pas la fornication, c'est-à-dire même les causes qui amènent, évitez-les. Ben là, c'est pareil, même les causes qui viennent au shirk, évite-les. Tu en es loin. Et plus tu es loin d'une chose, et moins tu as de probabilité d'y tomber. Par exemple, là, demain, tu as un précipice. Si tu marches au bord, tu peux ne pas tomber en faisant attention. Mais c'est chaud. Et quelqu'un, il marche loin du précipice. Lui, là, alhamdoulilah, il ne peut pas y tomber. Il ne peut pas y tomber. Pourquoi il est trop loin pour y tomber? Même s'il tombe, il roule, il est loin du précipice. Celui qui est au bord, s'il trébuche, qu'un instant, ça peut être la chute. Directement. Donc toi, on te dit, c'est même pas que tu fais attention au bord, tu marches loin de la chose, tu en es loin totalement. Comme ça, tu auras fait toutes les causes pour ne pas dire après, j'étais pas assez loin, j'ai trébuché, je suis tombé. Même il y a du vent qui te pousse, t'es loin, tu ne pourras pas y tomber, bismillah ta'ala. Après, si tu as des affaires de salaf, comme Abu Mulaika qui dit que j'ai rencontré Salatin min sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kulluhum yakhaf an nifaq ala nafsi. J'ai rencontré 30 des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tous avaient peur sur eux d'une ifaq, d'une hypocrisie. Et qu'Omar ibn Khattab, il l'a dit à qui? À Huzaifa ibn al-Yaman. Car Huzaifa, yukal, sahib al-sir. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, le nom des munafiqin. Secrètement à lui seulement. Il lui a donné des noms de munafiqin. D'après sa mort, pour qu'il sache qui ils sont. Et Omar, il a dit quoi à Huzaifa? Ayyib, inshallah, elle sammani laka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ma amen samma les munafiqin. Je t'implore par Allah, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a nommé parmi les munafiqin? Il avait peur pour lui. Alors qu'Omar ibn Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis parmi les gens de Jannah, il lui a promis. N'est-ce pas? Plein d'éloges. Il lui a même dit que Shaitan a peur de toi. Lorsque tu pars d'un chemin, il prend l'autre chemin. Malgré cela, Omar ibn Khattab, il avait peur pour lui. Il avait peur pour lui. Donc là, il dit quoi? Que le mu'min qui ne croit pas à l'abri, qui dit moi je suis bien, je ne fais pas de shirk, je suis à l'abri, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Déjà dans le hadith, de Mas'ud, à la fin du hadith, que le serviteur œuvre des œuvres des gens du Jannah et il meurt. Il sera parmi qui? Les gens du feu. Et le contraire également. Donc tu ne sais pas ce qu'Allah t'a destiné à toi. Toi, tu fais des causes dans ce bas monde, tu fais les deux A, et tu restes, comme on l'a expliqué, entre l'espoir et la peur. Entre l'espoir et la peur. Que l'ikhlas, c'est pas une chose facile. Comme on connaît le salaf, ma jahatu nafsi ala shay'in. Ma jahatuha ala l'ikhlas. Je n'ai pas fait des efforts sur moi-même pour une chose comme je l'ai fait pour l'ikhlas. Pour la sincérité. Parce que le riya, il rentre facilement. Tu t'en rends même pas compte des fois. Tu fais une œuvre, il rentre. Toi, il faut que tu le repousses. Mais il rentre des fois, tu t'en rends même pas compte. Fais attention à ça. Et ça, c'est tawfiq, ce qu'il accorde, c'est Allah seulement. C'est Allah qui l'accorde. Donc c'est à toi de faire les causes pour que Allah te prémunise de ce mal. Quand tu es bien, comme on dit, on ne fait pas comme les mouchriquin. Quand tout va bien, on ne fait pas attention. Quand ça va mal, on implore. On implore tout le temps. Et si jamais, comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a un avocat fichidda, tu vas reconnaître dans l'aisance, tu reconnaîtras dans la dureté. Donc toi, justement, dans ce moment-là, c'est Allah qui va te préserver du shirk. Et du riya et autres formes de shirk cachées ou apparents. Donc ça, c'était le premier fondement qui est al-ikhlas. Al-ikhlas, chose que Allah a bien clarifié dans son livre, et que pour les gens, la plupart des gens, aujourd'hui, à notre époque, c'est devenu pour l'ikhlas, le vrai ikhlas, quand on adore Allah seul, pour eux, on n'aura pas le droit, le statut aux gens pieux, à Kadaou. Malheureusement. Mada. Ma fouma dal asl awel. Taïeb. فنكتب هذا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك